y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Les partis en face disent la même chose pour la même cause. Et dans ce face-à-face, le peuple se retrouve face au peuple. Et le peuple massacra le peuple au nom du peuple. Et y'a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Y'a du sang innocent. Les partis en face sont d'accord qu'ils ne seront jamais d'accord. Opposition radicale, parti au pouvoir radical. Le verbe devient inamical, la démocratie tribale. Ils ont bêtisé le débat, baoulisé le débat. Ils ont doulaisé le débat. Les querelles de personnes mettent en péril la République. La désinformation intoxique l'opinion publique. Iberoa, Yoromani, Gagnoa, Yoromani, Odjene, Yoromani, Douokwe, Yoromani, Gorogo, Yorokina. C'est la course au pouvoir, course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir, course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. Policiers brisés, gendarmes brisés, voitures brisées, manifestants calcinés. Un mort, deux morts, trois morts. Dans le journal on parle de 50 morts, 10 000 réfugiés. There is blood on the road that lead to the tower of power. There is blood, innocent blood. I see blood on the road that lead to the tower of power. There is blood, innocent blood. C'est la course au pouvoir, course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir, c'est la course. C'est la course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir, c'est la course. 100% innocent coulé. Le sang de sang innocent coulé. J'ai dit 100% innocent coulé. Le sang innocent coulé, coulé, coulé. C'est la course au pouvoir, course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir, c'est la course. C'est la course au pouvoir.